Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste radio et salutations à celles et ceux qui sont sur la toile avec nous à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. Je vous propose ce soir les créations de trois artistes qui sont passionnés par l'exploitation de la voix comme outil, comme instrument et encore médium d'expérimentation sonore. Bon, la voix humaine, c'est le son produit par la vibration des cordes vocales quand l'air est expiré par les poumons, comme il en est d'un instrument avant. Et comme chaque voix est unique, elle s'avère un moyen d'expression assez décisif de nos personnalités linguistiques ou bien artistiques. Dans le monde de l'expérimentation musicale et sonore, la voix est utilisée comme une matière première, libérée des conventions du langage usuel et des techniques éprouvées, du chant ou encore de l'élocution commune. La voix, dans ce contexte, sert donc à explorer le potentiel vocal par l'invention de nouvelles textures, l'expression de fréquences inédites, des timbres et des thèmes aussi, par le biais de techniques associées à la respiration, à l'usage de la bouche, du corps. Tout ça assorti de nos jours d'accessoires, d'instruments électroniques. Le monde de la poésie sonore et des musiques contemporaines compte d'ailleurs de nombreux pionniers, pionnières, derrière les voix de Kurt Schwitters, de Meredith Monk, Henri Chopin, Laurie Anderson, Yoko Ono, et plus près de nous, je pense entre autres à Claude Gauvreau, Raoul Duguay et Robert Faguy, ici à Québec. On va donc ce soir écouter ensemble les projets d'expérimentation vocale, tout récents ceux-là, de trois artistes incomparables, l'Américaine Pamela Zedd, la Britannique Rebecca Lennon et la Montréalaise Cathy Kennedy, avec laquelle je débute la soirée. Cathy Kennedy est une artiste sonore très active dans le monde des arts actuels depuis le milieu des années 90. Elle compte parmi les fondatrices du Centre numérique pour les femmes Studio XX à Montréal, ainsi que du chœur Maha, un groupe choral novateur pour femmes. Elle a une formation en voix classique et en art visuel. On dit que sa pratique combine la voix aux interfaces que sont la technologie, l'identité et l'espace public. Très impliquée dans le monde communautaire, elle a réalisé des programmes radiophoniques, des installations performances sonores regroupant de nombreux chanteurs, chanteuses pour ses réputées chorégraphies soniques menées dans l'espace public. Bon, le projet qu'elle nous offre ce soir s'intitule Voyal Jams. C'est un album récent composé de vocalisations rythmiques et de sonorités inspirées, dit-elle, par la vie urbaine, les questions environnementales, la cause des femmes et du féminisme, la justice sociale et bien sûr par un désir profond d'explorer le potentiel de la voix. Alors, pour se mettre dans le ton de ce bel album, on écoute un premier jet intitulé Kidzi, c'est tiré de l'album Voyal Jams de Cathy Kennedy. Thank you. Anyway, I think a walk outside is really the best thing for opening up sensorial experience that helps me find myself. Taking a walk outside. C'était Kathy Kennedy. Bon, active depuis les années 90, Kathy Kennedy met à profit son profil artistique d'artiste visuel et de chant classique pour expérimenter très tôt dans sa carrière l'improvisation, l'art sonore, l'art radiophonique, la musique chorale expérimentale, la performance in situ et l'installation. Elle a diffusé son travail au Québec et à l'étranger. Bon, ici au Québec, dans le cadre du Mois Multi, elle est professeure à l'Université Concordia, où elle donne des conférences, anime des ateliers d'improvisation, des cours aussi ou conférences sur l'écologie acoustique et l'empouvoirment vocal. Dans un entretien qu'elle accorde au magazine Je June en octobre 2025, Kathy Kennedy raconte que Voile Jams est son premier vrai album solo. Même si je fais de la musique professionnelle avec la voix depuis plus de 30 ans, dit-elle, la grande part de mon travail a consisté à donner aux autres l'accès à la vocalisation de la manière la plus accessible possible. Voile Jams est donc une série de petites boucles avec lesquels j'ai joué pour mon propre plaisir personnel. Au départ, je voulais juste utiliser ces boucles que je trouvais intéressantes, puis je les ai combinées à des enregistrements de terrain et du texte pour créer des ensembles improbables qui pourraient, dit-elle, être une alternative rafraîchissante à la chanson pop que les gens aimeraient écouter. Je referme les guillemets. Très bien dit de la part de Cathy, parce que c'est très riche musicalement, c'est ludique, intéressant à l'écoute, vous verrez. Alors voici un enchaînement tiré du projet Royal Jams de la Montréalaise Cathy Kennedy. Thank you. Bon, c'était Kathy Kennedy, son album récent intitulé Vinyl Jams. C'est un peu dans le même esprit que je vous propose cette fois des extraits d'un très bel album d'exploration de la voix réalisé par l'artiste américaine Pamela Zedd. Pamela Zedd est une compositrice, interprète et artiste multidisciplinaire dont le travail artistique repose principalement sur la voix, les traitements électroniques en direct et la vidéo. Pionnière, dit-on, du live looping, créatrice de boucles en temps réel, elle transforme sa voix pour créer des superpositions sonores d'une belle complexité. Ses œuvres solo mêlent, dit-on, des techniques vocales variées, alliant le bel canto lyrique à la lecture de textes, du traitement numérique et des interfaces sans fil qui lui permettent de manipuler le son par des gestes. On trouve d'ailleurs sur le web un bel exemple de ce travail avec sa création intitulée « Machine à écrire ». Vous irez voir ça sur le web. Donc, Pamela Zedd a composé des musiques pour la danse, le théâtre, le cinéma et des ensembles de musique de chambre. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix de Rome, le prix de la Fondation Robert Rauschenberg et le prix Guggenheim, entre autres. Donc, ce soir, je vous fais entendre des extraits d'un album intitulé « A Secret Code ». C'est paru en 2021 et ça illustre fort bien le travail vocal de Pamela Zedd. On écoute ça.

C-K-R-L 89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous propose ce soir une incursion dans l'univers de la voix, par le truchement, évidemment, de la voix humaine et ses avatars technologiques qui en modifient les textures, les fréquences, les rythmes et, en tout cas, somme toute, là, la nature originelle de nos voix. On a entendu jusqu'à maintenant les travaux de la Montréalaise Kathy Kennedy et on poursuit avec le magnifique travail de l'artiste américaine Pamela Zedd, dont le dernier album intitulé « A Secret Code » est une belle illustration de sa démarche. À l'écoute de cet album, on comprend que le quotidien est omniprésent dans l'univers musical de Pamela. On y retrouve des sonorités urbaines, des chants d'oiseaux, des échos de la vie quotidienne, des univers qui se transforment, dit-elle, en un moment de profonde réflexion et d'émerveillement. On dit que Secret Code, son troisième album, réunit deux décennies de réinvention de la chanson. C'est peu dire. L'artiste sonore, très réputée, Anea Lockwood, souligne d'ailleurs que l'humour contagieux, souvent surréaliste, traverse cet album de Pamela Zedd. La voix, l'instrument le plus intime, se métamorphose entre ses mains avec une virtuosité éblouissante. Alors, pour rappel, l'artiste Pamela Zedd est une compositrice, interprète et créatrice multimédia basée à San Francisco. C'est une pionnière des techniques de boucle numérique en direct. Et on écoute cette fois une création intitulée Timepiece Triptych Syrinx. C'est tiré de l'album A Secret Code de Pamela Zedd. C'était Pamela Z, une création tirée de son album intitulé Secret Code. Je vous présente dans cette veine de l'expérimentation vocale le beau travail de la londonienne Rebecca Lennon. Rebecca Lennon explore les formes et les rythmes non linéaires de la voix et du corps parlant, dit-elle, à travers différents médias tels que l'écriture, la vidéo, la performance, le son, évidemment, et la musique. Rebecca Lennon a présenté son travail dans les milieux de l'art contemporain et de la musique expérimentale en Lituanie, au Portugal, en Italie et chez elle au Royaume-Uni. C'est une artiste relativement discrète sur la toile, mais son travail, franchement, est remarquable. Je vous propose ce soir l'intégrale d'un album intitulé « Mouth, Bouche ». Au pluriel, c'est un album tiré d'une performance dans laquelle elle évoque un univers de réminiscence poétique. Alors voilà, on écoute Rebecca Lennon et son projet Mouth.

da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. There's fly tip rubbish everywhere. The waste disposal workers are throwing it in the streets in protest. It's blowing into your house, making everything smell of uncooked meat wrappers. A plant is cut and leaks white liquid. A cactus spills out of itself, leaving only skin. Full fat cow's milk fills us up, moving around via our collective insides. There's fly tip rubbish everywhere. The waste disposal workers are throwing it in the streets in protest. The diss acts on the order, becoming intrusive. The diss is a sine wave, a repeated curve of central conflict, a rhythm of spillage and control, inflate and deflate, a repeated curve of central conflict, a repeated curve of central conflict, a repeated curve of central conflict, a repeated curve of central conflict, a repeated curve of central conflict, a repeated curve of central conflict. Mm-hmm.

How